Obscurément. De Poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Camisole. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Obscurément. Obscurément. Ce sont de fatales tentures où griffes de lion et d'aigle et gueules d'ours et crocs et becs, ce sont de rois de contractures et des spasmes soudains au long de rideaux lourds. Obscurément. Un Achille de granit noir se rue en son amour et piétine son socle. Sa peau de pierre allume et claire en un miroir et l'on entend craquer les reins du beau Patrocle. Obscurément. Marteau cassé, morte les heures, un soir immensément oppresse et s'établit, et rien de Dieu n'ira jamais vers ses demeures clouées ses bras en croix dans l'ombre ou sur un lit. Obscurément et nu, et sous les langues d'or d'un grand flambeau tordu comme un rut de sirène, le ventre vieux et mort, Gamiani détort avec ses doigts divers ses lèvres souterraines. Fin de Obscurément.